parler des Marquis de Jonquin comme on le fait tous les mardis avec notre ami Dominique Bolduc à la même heure et au même pas. Salut Dominique! Salut Dominique, avant de parler des matchs de la fin de semaine, grosse nouvelle chez les Marquis de Jonquin. Yannick Riendo a quitté l'équipe. C'est une grosse perte, ça, pour l'attaque des Marquis? Oui, absolument, c'est une grosse perte. Yannick était là depuis déjà seulement 4 rencontres. Il avait déjà accumulé 5 buts, 8 points. On se doutait bien qu'il était pour partir un moment comme un autre. Il y avait un contrat ouvert jusqu'au 15 décembre, donc il y avait une possibilité qu'il quitte pour l'Europe. Lui, il visait toujours l'Europe depuis le début de la saison. Il y a eu une chance, il y a eu une offre du côté des Ducs d'Angers dans la Ligue Magnus. Il a accepté. Donc oui, c'est une belle, mais c'était à prévoir. On savait qu'il y avait une chance qui part, mais ça ne veut pas dire que si jamais, bon, ça marche pas, qu'il revienne avec l'équipe. C'est toujours une possibilité. Mais pour l'instant, il va aller s'essayer du côté. OK. Il y a eu aussi, est-ce qu'on, du côté des Marquis, Claude Bouchard, Bob Desjardins, est-ce qu'on pense vraiment remplacer Yannick Riendo? Ben, c'est sûr que c'est une lourde perte à l'attaque. Ouais. Il y a toujours une possibilité de Francis Véropoulos qui pourrait s'aligner avec l'équipe. Il s'est montré intéressé au cours de la dernière, des deux dernières semaines. Qui avait jasé avec la direction de l'équipe. Ça pourrait être une possibilité. Je pense qu'il y a de la place pour un gars comme Francis Véropoulos dans l'équipe. Donc, oui, je pense qu'il pourrait. L'équipe va tout faire pour remplacer Yannick Riendo parce que c'est OK. On va y aller maintenant avec les matchs de la fin de semaine. Les Marquis qui ont perdu 5-2 à Saint-Georges-de-Beauce. Oui, exactement. Bats qui. Ça voulait très émotif. Malheureusement, les émotions qui ont un peu débordé, qui ont fait que les. En sorte que les Marquis ont sorti leur plan de match. De l'autre côté, Saint-Georges-de-Beauce voulait vraiment se venger de l'échec de 5-1 qu'il avait subi quelques semaines plus tôt à Jonquière. Denis Guetsakos qui était vraiment pas content de la performance de ces gars. Vraiment, il a suivi le plan de match, puis je pense qu'il y a eu un petit peu de contrôle sur la rencontre, ce qui a fait en sorte qu'il a remporté le match, même si les Marquis avaient bien débuté la rencontre. Ils menaient 16-4 sur les lancers après une période de jeu, mais c'était 1-0 Saint-Georges. Chapeau au gardien Pierre-Olivier Pelletier, l'ancien gardien des Marquis, qui a été très solide tout au long de la rencontre. Et le lendemain, c'était une victoire à ce coup-là. Oui, exactement. Victoire très convaincante de 5-1 contre Rivière-du-Loup. Une équipe qui voulait prendre sa revanche aussi, puisque lors de notre visite à Rivière-du-Loup, il y a quelques semaines, les Marquis l'avaient remporté 6-0. OK. Faut dire aussi que les Marquis manquaient beaucoup de joueurs. François Fortin, Yannick Riendo, Benoît Graton n'étaient pas là. Il nous manquait un trio complet. Sam McMorrow était suspendu pour un match. Donc, les Marquis devaient vraiment contrôler leur émotion, suivre le plan de match qui était imposé par Claude Bouchard. Puis, sérieusement, ils ont vraiment bien respecté le plan de match. Ils ont suivi le système de jeu. Puis, ça fait en sorte qu'ils ont remporté une victoire très complète. Mathieu Tremblay n'a pas compté son premier but et aussi dans le match. Oui, ben non, c'est durant le match à Saint-Georges-de-Beauce, en toute fin de rencontre, alors que c'était 5-1. Il a marqué le deuxième but des Marquis, son premier en carrière dans la Ligue nord-américaine. Il était très content, une belle fin devant Théo Pelletier. Il n'y avait rien à faire. Il n'y a pas une petite transaction aussi la semaine passée, une transaction très, très mineure du côté des Marquis. Je pense que le joueur qui l'ont obtenu, c'est pas un joueur qui va évoluer dans la Ligue nord-américaine cette année. C'est des droits, je pense. Oui, exactement. Les Marquis qui ont changé de défenseur, Danick Malouin. Au River King de Cornwall, lui qui a sa place dans la Ligue nord-américaine. Malheureusement, à Jonquière, c'était pas possible. Il a été changé à Cornwall en retour d'Olivier Magnan, qui est un défenseur qui joue du côté de l'Europe. Ça a été c'est une transaction de libérer un gars pour un gars qui est sur la liste, qui peut-être dans les prochaines années pourrait être disponible, mais pour l'instant, c'était seulement pour permettre à Danick Malouin de jouer dans la Ligue nord-américaine. Ben, Dominique, on se parle probablement jeudi sur les ondes de CKG. Parfait, Dominique Bolduc de CKG.